La petite princesse et le chien, par Fédor Dostoïevski. Falstaff était un chien calme et flegmatique, ce qui ne l'empêchait pas d'être mauvais comme un tigre, si on se permettait de le pousser à bout. Falstaff n'aimait les caresses de personne, et tout le monde semblait lui être indifférent. On le traitait à la maison avec une sorte de crainte respectueuse. Il y avait aussi son histoire. Un jour, le prince avait ramené avec lui, au retour d'une promenade, un vilain petit chien, laid et pitoyable. C'était un chien de race, cependant. Or, comme la famille était à la maison de campagne, il arriva que le frère de Katia, le petit Sacha, tomba en jouant dans la rivière. La princesse était là, et folle de douleur, voulut suivre son fils. On la retint difficilement. Cependant, Sacha, entraîné par le courant, n'était maintenu au-dessus de l'eau que par ses habits. On se hâta de démarrer un canot, mais tout cela demanda du temps. Soudain, un grand bulldogue se précipite dans l'eau, coupe le courant avec vigueur et atteint le corps de l'enfant qu'il rapporte triomphalement sur la rive. La princesse couvrit de baisers l'animal encore couvert d'eau et de boue. Falstaff, qui portait à cette époque le nom prosaïque et plébéien de Frixa, ne supportait, je l'ai dit, aucune caresse. Il répondit à ses étreintes en enfonçant ses crocs aigus dans l'épaule de la jeune femme. La princesse garda toute sa vie les traces de cette blessure, mais n'en conserva pas moins pour son chien une affection sans borne. Le chien fut dès lors l'hôte choyé de la maison. Le prince, en considération de sa voracité et de sa gloutonnerie phénoménale, le baptisa Falstaff. On le brossa, on le nourrit à son plaisir, on lui fit même cadeau d'une peau d'ours pour s'y étendre et s'y reposer. Falstaff était devenu, en somme, le chien le plus heureux de la création. Mais son caractère naturellement taciturne ne changea pas avec sa nouvelle condition. Il resta indifférent à la politesse et apprécia assez peu son riche collier d'argent. Il prit bientôt des habitudes de paresse et il n'aimait pas être dérangé par les importuns. Katia lui cherchait quelquefois querelle pour se distraire, lorsqu'elle n'avait personne sur qui elle pût en ce moment faire passer son humeur. Et puis, l'indifférence du chien l'exaspérait. Il lui était insupportable qu'il existât dans la maison un être qui ne reconnut pas son autorité, qui ne se courba pas devant elle, qui ne l'aima pas. Falstaff n'en prenait souci et demeurait inflexible dans son arrogance. Un jour, après dîner, comme nous étions toutes deux dans le grand salon, le bulldog se coucha au milieu de la pièce pour digérer paresseusement son copieux repas. Ce fut le moment que choisit la petite princesse pour le contraindre à l'obéissance. Elle cessa de jouer, et marchant sur la pointe des pieds, prodiguant à Falstaff les noms les plus doux, l'attirant par des signes, elle marcha vers lui avec précaution. Falstaff, de très loin, montra les dents. La petite princesse s'arrêta. Son projet était d'approcher du chien et de le caresser un peu, ce qu'il ne permettait à personne d'autre que la princesse. Cette tentative présentait un danger sérieux, car Falstaff était incapable de s'en laisser imposer et pouvait fort bien lui mordre la main ou la déchirer s'il le trouvait bon. Avec cela, il était fort comme un tigre. Moi, pleine d'inquiétude et de terreur, je suivais de loin tous les mouvements de Katia. Je la suppliais inutilement de laisser le chien tranquille. Même les crocs puissants de l'animal ne la détournèrent pas de son idée. Jugeant qu'on ne pouvait aborder le chien en face, elle tourna l'ennemi. Falstaff ne bougea pas. Katia fit un second tour dont elle diminua le cercle, puis un troisième encore plus rapproché. Quand elle fut arrivée à la distance que Falstaff jugeait respectueuse et sacrée, il montra de nouveau les dents. La petite princesse, dépitée, frappa du pied et s'éloigna. Elle vint s'asseoir sur le divan pour réfléchir. 10 minutes après, elle avait inventé une séduction nouvelle. Elle sortit et revint avec une provision de petits pains et de petits gâteaux. Elle changeait de tactique. Falstaff resta indifférent. Il n'avait probablement pas faim. Il ne tourna même point sa tête vers le morceau qui lui était jeté, et quand Katia fut arrivée de nouveau à la limite qu'il jugeait infranchissable, le chien manifesta une opposition plus vive que la première fois. Il leva la tête, découvrit ses crocs, gronda sourdement et fit un léger mouvement comme pour s'élancer. La princesse rougit de colère, jeta le gâteau et revint s'asseoir. Elle était fort agitée, Son petit pied battait le tapis, ses joues s'empourpraient, et des larmes de dépit jaillissaient de ses yeux. Par malheur, il lui arriva de me regarder, et le sang lui monta plus encore à la tête. Elle quitta le divan d'un pas ferme, marcha droit au terrible chien. La stupéfaction produisit sans doute un effet extraordinaire sur Falstaff. Il laissa l'ennemi franchir la ligne redoutable, et ce ne fut qu'à deux pas qu'un grognement sinistre accueillit la folle Katia. Elle s'arrêta d'abord un instant, rien qu'un instant, puis, avec décision, elle continua d'avancer. Je me raidissais de frayeur. La petite princesse était excitée au plus haut point. Le triomphe brillait dans ses yeux. On eût fait de cette scène un joli tableau. Elle affronta avec courage le regard furieux du bulldog. Falstaff se leva. De ses flancs poilus, un grognement s'échappa. Un mouvement de plus et il l'aurait déchiré. Mais la petite princesse lui passa orgueilleusement la main sur le dos et trois fois de suite le caressa. Pendant quelques secondes, le bulldog resta indécis. Ce fut le moment le plus palpitant du drame, puis il se leva, s'étira, et dédaignant sans doute de se venger d'un enfant, il sortit tranquillement de la pièce. La princesse restait maîtresse du champ de bataille. Elle me jeta un regard inexprimable, saturé, enivré de victoire. Moi, j'étais tout pâle. Elle s'en aperçut et sourit. Bientôt après, cependant, une pâleur mortelle couvrit aussi ses joues, et elle put à peine atteindre le canapé, où elle tomba sans connaissance. C'était « La petite princesse et le chien » par Fédor Dostoïevski.